لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فبإذن المولى تبارك وتعالى نبدأ هذه الليلة كتابا جديدا وهو بعنوان عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وقال في المقدمة الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء ببيان الهدى وإيضاح الحقائق وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وغيظ كل كافر ومنافق أما بعد فإنه لما أشرقت دعوة التوحيد ولله الحمد في هذه البلاد على يد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وانقشعت غيوم الشرك والبدع لم يرق ذلك لأعداء الدين من الكفار والمنافقين والمبتدعة والخرافيين. Donc بإذن الله aujourd'hui nous allons commencer bien un nouveau livre qui concerne le dogme du revivificateur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Et Cheikh nous dit dans l'introduction, après que la da'wa du tawhid est apparue dans le pays de Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qui est la péninsule arabique, et que cette da'wa du tawhid est apparue par son intermédiaire, et que a été dissipé le brouillard de l'association, yani du shirk et de l'innovation, les ennemis de cette da'wa, que sont les mécréants, que sont les hypocrites, que sont les innovateurs, et que sont les personnes qui ramènent des histoires d'anciens, n'ont pas été d'accord avec son invitation à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. وشأنهم مع دعوة الرسل في كل زمان ومكان فراحوا يروجون التهم ويفترون الكذب على هذا الإمام وعلى دعوته ويقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Et donc le fait de s'opposer à la da'wa du tawhid, à la da'wa et à l'invitation à unifier Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est le chemin de tous les mécréants et de tous les hypocrites à chaque époque et à chaque siècle. Et donc ils se mettent en travers du chemin des prophètes et des messagers justement qui invitent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils veulent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ils veulent éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah azza wa jal va parachever sa lumière, même ou n'en déplaise aux mécréants. حتى إنهم شككوا في عقيدة الشيخ ونواياه, à tel point qu'ils ont douté ou qu'ils ont fait douter et qu'ils ont émis des doutes sur eh bien, la croyance de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ibqa'an ala aqa'idihim al-batila wa nawayahum al-qabiha. Et tout ceci pour rester eh bien, sur leurs mauvais dogmes et leurs dogmes et leurs croyances erronées. Et tout ceci par mauvaise intention de leur part. Faja'at ila al-Sheikh min ahali al-Qasim risalatun yas'alunahu fiha an aqidatih. Et donc les gens de Al-Qasim, qui est une ville en Arabie, dans la péninsule arabique, eh bien, ces gens-là ont envoyé un message et une lettre au Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, lui demandant, eh bien, de les éclaircir concernant, eh bien, sa croyance. Et quelle était sa croyance ? فَأَجَابَهُمْ بِرِسَالَةٍ يُوَضِّحُ فِيهَا عَقِيدَتَهُ. Et donc, Cheikh, il a répondu à leur message en envoyant, eh bien, également une lettre. وقال لهم أنها أي عقيدته عقيدة السلف الصالح التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنه أصحابه رضوان الله عليهم وسار عليه أهل السنة والجماعة. Et il aura répondu que sa croyance eh bien était la croyance des pieux prédécesseurs, celle avec laquelle était venu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et celle compris de lui les compagnons radiyallahu anhum, et celle sur laquelle sont restés eh bien ahl sunna wal jamaa, les gens de la sunna et du groupe. Wa qala ash-shaykh ash-sharih yani ash-shaykh al-fawzan qala wa kuntu qad alqaytu durusan fi sharh hadhihi ar-risala sajjalaha al-hadirun min talab min at-talaba jazahumullahu khayra. Il dit eh bien qu'il avait donné des cours concernant et en expliquant eh bien cette lettre de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et que certains étudiants en sciences eh bien ont enregistré eh bien ces cours là que Cheikh avait donné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense en bien. Wa talabu minni al-muwafaqa 'ala nashriha fa adhintu lahum bidhalik la'alla man qara'aha yajidu fiha fa'ida aw yunabbihuni 'ala khata' wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Et donc certains étudiants ont demandé au cheikh eh bien de propager l'explication de cette lettre, et donc il leur a donné l'autorisation afin eh bien que certaines personnes ou certains étudiants en sciences puissent tirer bénéfice de cette lettre, ou eh bien par humilité de la part du cheikh il dit afin que s'il y a une erreur eh bien dans l'explication de cette lettre ou de cette explication eh bien que les gens eh bien m'en préviennent. ثم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان المسلمين في عصر الصحابه والتابعين كانت عقيدتهم معروفه معلومه. Il dit qu'à l'époque eh bien, des compagnons et de ceux qui les ont suivis, eh bien, la croyance des musulmans était connue. Le dogme des musulmans était connu et était apparent. وَهِيَ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَا تَرَكَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ. Et donc cette croyance c'était quoi? C'était ce avec quoi était venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi les avait laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat al-aqidatu ma'rufa fi 'asr as-sahaba wat-tabi'in wal-qurun al-mufaddala. Et donc la croyance et leur croyance étaient connues à l'époque des prophètes, à l'époque des compagnons radiyallahu anhum, à l'époque de ceux qui les ont suivis yani tabi'in, et à l'époque également des siècles bien guidés, la croyance était connue et tout le monde savait quelle était la bonne croyance. Wa in kana dakhala fi akhir hadhihi al-qurun shay'un min al-ikhtilaf wa dhuhur al-firaq. même si eh bien, à la fin eh bien, de ces siècles bien guidés, eh bien, la divergence a commencé à apparaître. Et les sectes également ont commencé à apparaître. Quel khawarij, wal qadariya, wal shi'a. Comme eh bien, le khawarij, ceux eh bien, qui rendent mécréants les musulmans à cause des grands péchés, wal qadariya, qui parlent sur le destin, wal shi'a, et les chiites. ولكن كان الدين قويا وكان الاسلام عزيزا. Mais malgré cela, malgré l'apparition de ces divergences et malgré eh bien l'apparition de ces groupes, la religion eh bien était forte et l'islam était puissant. وكان اهل الشر يختفون ولا يظهرون شرهم. Et à cette époque-là, eh bien les gens du mal et les gens de l'innovation se cachaient et ne faisaient pas apparaître leur mal. فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال بضلالهم. Et quand eh bien ces siècles bien guidés, les trois siècles qui ont eh bien succédé au prophète عليه الصلاة والسلام se sont terminés, à ce moment-là eh bien, le mal a commencé à apparaître au grand jour. Et les gens eh bien, de l'égarement ont commencé eh bien, à faire apparaître justement leur égarement. Min Jahmiya, wa Mu'tazila, wa Batiniya, wa Shia. Et donc tous ces groupes-là ont commencé à faire apparaître leur égarement et leur innovation. Wa ghayrihim min al-firaq al-dhalla, kas-Sufiyya wal-Quburiyya, wal-Nihal al-Batila. Et donc toutes ces sectes et tous ces groupes ont commencé à faire apparaître leur innovation au grand jour et ont commencé à les propager, comme on a dit, comme Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Batiniya, Al-Shi'a, Al-Sufiya, Al-Quburiya et d'autres sectes et d'autres groupes ont commencé eh bien à propager leurs innovations. Walakin kana al-Islam aydan qawiyan fi 'asri ad-dawlah al-Umawiyya. Mais malgré cela, eh bien l'islam était puissant et était fort et était ferme à l'époque eh bien du califat des Omeyyades. Wa kana al-ulama lahum juhduhum wa makanatuhum. Et les savants à cette époque-là, les savants qui avaient la bonne croyance, la croyance authentique, eh bien avaient leur place auprès des gouverneurs et étaient respectés, et ils faisaient des efforts justement dans la préservation et dans la sauvegarde eh bien de la religion authentique et de la croyance authentique sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Wa kanu yuqawimun hadhihi al-afkar. Et ils contraient et ils combattaient eh bien ces courants de pensée qui divergeaient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa kana az-zanadiqa yuqtalun fi 'ahdi ad-dawlah al-umawiyya. Et donc les hérétiques, c'est-à-dire les innovateurs et ceux qui ramenaient des rajouts dans la religion et dans la croyance de surcroît, eh bien étaient combattus à l'époque du califat des Omeyyades. كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقته. Comme a été tué الجعد بن درهم à partir du moment où est-ce qu'il a eh bien fait apparaître et propager son hérésie et son innovation. ثم جاءت دولة بني العباس وكان أيضا فيها قوة. Et après les Omeyyades, après eh bien, la dynastie des Omeyyades, est apparue la dynastie de Bani al-Abbas, yani des Abbasides. Et à cette époque-là également, l'islam était puissant et était fort. في أول الدولة فكانت لها قوة وللإسلام هيبة. Et donc au début du califat des Abbasides, eh bien, l'islam avait une présence forte et il avait une puissance. Et les savants avaient eh bien, une place élevée et un rang élevé. Et les savants qui étaient sur la croyance authentique. Et les mauvais, ceux qui avaient la mauvaise croyance et les innovateurs, eh bien, n'avaient pas la liberté de faire apparaître leur mal et leur innovation au grand jour. فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد. Et à la fin, eh bien, du califat des Abbasides est venu al-Ma'moun, le fils de Haroun al-Rashid. الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة. Et donc al-Ma'moun est venu et il a pris le pouvoir sur son frère qui s'appelait al-Amin. Et il a tué son frère et il a pris le pouvoir. وكان رجلا قويا وذكيا. Et هذا المأمون était un homme et bien qui était très intelligent. Et il avait une puissance derrière lui. وكان ايضا عالما. Et il était savant en plus de ça, puisqu'à l'époque, c'était les califes qui dirigeaient la prière du vendredi et qui dirigeaient les prières. ولكن داخله اهل الضلال. Mais malheureusement, eh bien, ce sont les gens de l'égarement qui se sont rapprochés de lui. واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله. Et il les a pris pour, eh bien, compagnons et alliés. Il a pris les gens de l'égarement comme compagnons et comme alliés et ils se sont installés autour de lui dans les ministères, etc. Ka Ibn Abi Duad wa Bishr al-Mirisi, comme ces deux-là, qui sont eh bien, les têtes de l'innovation de son époque. Fastamaluh ila dhalalihim wa aqidatihim. Et donc ils l'ont fait pencher, ils ont fait pencher le Ma'moun vers eh bien, leur égarement et vers leur croyance fausse et erronée. فتأثر بهم. Et donc, ils ont laissé des traces sur lui. وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية. Et ils ont enjolivé, ils lui ont enjolivé, eh bien, la traduction des livres étrangers, yani non arabes. وأنشأ دارا للترجمة سموها دار الحكمة. Et ils ont eh bien fondé un institut eh bien justement pour traduire des livres qu'ils ont appelé دار الحكمة, la maison de la sagesse. ولكن هي دار النقمة. Et en réalité c'est la maison eh bien du malheur, puisqu'ils ont commencé à traduire les livres des non-musulmans. وترجموا الكتب الرومية بما فيها من الضلال والشر. Et donc ils ont commencé à traduire les livres des Romains et des Grecs, etc. Et ils ont traduit tout ce qu'il y avait dedans comme égarement et comme mal. فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق لما ترجمت هذه الكتب كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب الرومية زاد الشر. Et donc ils sont venus vers le Ma'moun eh bien de ce chemin là, de ce chemin de la traduction des livres des non musulmans, comme nous le dit Cheikh Taqi al-Din, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il nous dit qu'à chaque, au moment ou à partir du moment où est-ce que ces livres-là ont été traduits, eh bien, le mal eh bien, a augmenté. وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق. Et à la fin, ils l'ont persuadé de dire ou de croire que eh bien, le Coran est créé. فاقتنع بذلك. مسكوا قياده مع قوته وصلابته فأهل الشر لا يتهاون بهم أبدا. Et donc ils l'ont convaincus de cette parole et de cette croyance, et ils l'ont convaincu malgré eh bien, son intelligence, et malgré eh bien, sa puissance, et malgré sa fermeté, ils l'ont convaincu de cela. C'est pour cette raison que les gens du mal et du faux et de l'innovation, il ne faut jamais les prendre à la légère. والواجب إبعادهم عن الساحة وإلا فإنهم يدسون شرهم ويضعف معهم القوي ويضعف معهم القوي. Et donc il est obligatoire et bien les gens de l'innovation et de l'égarement de les écarter et de ne pas leur donner de responsabilité. Sinon et bien ils ramèneront leur mal et même le puissant deviendra faible avec eux. فاقتنع المأمون بقولهم وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن. Et donc ils l'ont convaincu, ils ont convaincu le Ma'moun de leur croyance et de leur parole, et il a forcé les gens après cela et bien à dire que le Coran a été créé ou le Coran est créé wal iyad billah. كلام الله تبارك وتعالى المصدر الأول للشريعة أرادوا أن يجتثوه من الأمة فيقولوا إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. Et donc les paroles d'Allah تبارك وتعالى qui est la base, la première base de la législation musulmane, ils ont voulu et bien faire disparaître cette base en disant que le Coran était créé et qu'il n'est pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فاقتنع بهذا الرأي. Et donc le Ma'moun, le calife Abbaside, eh bien a été convaincu par cet avis et cette croyance erronée. ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. Mais ولله الحمد, eh bien des imams de cette époque-là, se sont mis en travers de leur chemin. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est l'imam Ahmad, rahimahullah. وقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن. Et donc, ils se sont levés contre, eh bien, cette parole et contre cette ou ce courant de pensée et cette croyance erronée et égarée. Et ils se sont positionnés fermement contre, eh bien, cette parole. Et ils n'ont pas voulu dire que le Coran était créé. وعذب منهم من عذب كالإمام أحمد وقتل منهم من قتل ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة فثبت الله بهم الدين وثبت بهم العقيدة الصحيحة ودحر أهل الشر. Et donc a été torturé ceux qui ont été torturés, parmi eux l'imam Ahmad, parce qu'il ne voulait pas dire que le Coran a été créé. Et certains ont été tués, mais malgré cela ils ont patienté. Et ils se sont levés en travers du chemin des Mu'tazila, qui disaient que le Coran était créé, que ce n'était pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis et a raffermi avec eux la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a affermi avec eux eh bien, la croyance authentique, et il a éloigné les gens du faux. وَتَوَالَا بَعْدَ الْمَأْمُونَ أَخُوهُ الْمُعْتَصِمِ ابْنُ هَارُونَ الرَّشِيدِ. Et après, eh bien, le Ma'moun est venu son frère, Al-Mu'tasim, également eh bien, le fils de Haroun al-Rashid. ثم الوافق ابن المأمون. Et après cela est venu eh bien الوافق, le fils de المأمون, le fils de المأمون. أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول بخلق القرآن. Et donc ces deux-là également ont pris position avec les Mu'tazila en disant eh bien que le Coran était créé, que ce n'était pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont voulu également forcer les gens eh bien, à avoir cette croyance. وكلهم عذبوا الإمام أحمد وضربوه. Et donc ces deux-là, que ce soit يعني à partir de المأمون et المعتصم والواثق, et bien tout cela ont torturé l'imam Ahmad et l'ont frappé. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُعْطِهِمْ كَلِمَةً وَاحِدًا. Mais il n'a jamais dit ce qu'ils ont voulu lui faire dire. بَلْ يَقُولُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et il disait que le Coran était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قَالُوا لَهُ يعني قُلْ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وهو غير وهو ما هو يعني ما هو كلام الله فيقول لهم هاتوا لي من القرآن أو من السنة دليلا على قولكم. Et donc s'il lui disait de dire que le Coran n'était pas la parole d'Allah Azza wa Jal et que cette parole était créée, il leur disait donnez-moi une preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qui affirme cette parole-là. فَيَعُودُونَ عَلَيْهِ بِالْظَرْمِ. Et donc il continuait après cela à le frapper. وَيُغْمَ عَلَيْهِ. Et il s'évanouissait tellement il le frappait. وَلَكِنَّهُ أَبَى حَتَّى إِنَّهُ سَالَتْ دِمَاؤُهُ مِنَ الظَّرْمِ وَغَابَ فِكْرُهُ مِنْ شِدَّةِ الظَّرْمِ وَصَمَدَ إِلَى أَنْ جَاءَ عَصْرُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونِ الرَّشِيدِ فَخَلَّصَ اللَّهُ بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَنَصَرَ الْحَقَّ وَقَمَعَ أَهْلَ الْبِدَعِ ثم قتل المتوكل اغتاله اهل الشر. Et donc l'imam Ahmad a été torturé et son sang a coulé et il ne voulait pas dire ce qu'il voulait lui faire dire et il s'évanouissait tellement eh bien il le frappait, mais il est resté ferme sur sa position jusqu'à qu'est venue eh bien l'époque del mutawakkil Ibn Harun al-Rashid. Allah subhanahu wa ta'ala, avec lui et par son intermédiaire, eh bien, il a sauvé les gens de la sunna et il a fait triompher la vérité et il a étouffé les gens d'innovation jusqu'à ce que eh bien, le mutawakkil soit tué. Il a été assassiné par les gens de l'innovation. Wa ma zala al-amr fi dha'f إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس واستوزر الطوسي واستوزر الشيعة وهم أخبث من الجهمية فاستوزر ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي فجروا عليه التتار من المشرق الذين غزوا بلاد المسلمين. Et donc à cette époque-là, les gens de la sunna étaient toujours eh bien en état de faiblesse jusqu'à ce que est venu eh bien le dernier des califes abbassides. Il a pris comme ministre eh bien des chiites qui sont encore pires que le Jahmiya. Et il a pris comme ministre Ibn al-Alqami. Et al-Tusi, celui qui voulait faire triompher la mécréance. Et donc ils ont fait en sorte eh bien, que les Tatars et les Mongols eh bien, envahissent les contrées musulmanes. Et ils ont dévasté et ils ont tué et combattu eh bien, les califes et ce dernier calife abbasside. Ijtahouha wa qatalou al-khalifa wa akhadou al-kutub al-islamiyya wa alqouha fi nahri Dajla. Et donc ils ont combattu le dernier des califes abbassides et ils ont pris tous les livres islamiques et musulmans qui étaient préservés et ils l'ont jeté, ils ont jeté ces livres-là dans le fleuve qui s'appelle le Tigre en Irak. وَقَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِئَاتِ الْأُلُوفِ. Et ils ont tué eh bien des milliers de musulmans. واجتاحوا بلاد المسلمين وكان المسلمون يقاومونهم في كل بلد وفي النهاية خذل الله التتار ومنهم من أسلم. Mais malgré cela, donc ces Tatars, ils ont dévasté les contrées musulmanes. Mais malgré cela, eh bien, les musulmans les combattaient dans chaque contrée et dans chaque ville. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin donne la victoire aux musulmans sur les Tatars. Et certains de ces Tatars, eh bien, se sont convertis. وَبَقِيَ الْإِسْلَامُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et donc, alhamdulillah, eh bien, l'islam est resté, malgré cela, malgré ses épreuves, puissant. وَيُقَيِّضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَيَحْمِيهُ وَيُدَافِعُ عَنْهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cet islam, il a assigné des gens, eh bien, qui le font triompher et qui protègent et qui sauvegardent cette religion. وَظَهَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية في وقت مدلهم. شيخ الإسلام est venu et bien et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait apparaître à une époque et une période très sombre de l'islam. الفرق تتجاذب الناس الصوفية والجهمية والمعتزلة والقبورية. Et donc chaque secte à cette époque-là attirait les gens vers le faux, que ce soit les soufis, le Mu'tazila, le Quburiya, le Shia. Toutes ces sectes-là, à l'époque de Cheikh l'Islam, quand il a commencé, quand il est venu, eh bien ces sectes-là attiraient les gens vers des croyances erronées. Ya'ishu al-'alam al-islami fi amwajin min al-fitan. À cette époque-là, à l'apparition et à l'époque de Cheikh l'Islam, rahimahullah, l'islam et le monde musulman, eh bien, vivaient dans des vagues de tentations et de discordes. Wa fi hadhihi al-athna dhahara Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et c'est à ce moment-là qu'Allah azza wa jal, eh bien, a ramené Cheikh l'Islam. Takharraja 'ala kutub as-salaf as-salih an-naqiyya. Il est venu, il a étudié, eh bien, les livres clair et explicite de nos pieux prédécesseurs. ودرس الكتب الضالة والمنحرفة وعرف الشبه التي بنيت عليها. Il a également étudié les livres et bien de l'égarement et des croyances erronées. Et il a, en les étudiant, il a connu et il a su quelles étaient et bien leurs ambiguïtés sur lesquelles et bien elles ont été construites ou ont été construites et bien ses croyances fausses. وقام يدعو الى الله تبارك وتعالى. Il a commencé eh bien à inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. ويؤلف الكتب ويدرس. Il commença à écrire des livres et il commençait à enseigner. فنوفي وسجن. Et donc Cheikh à cause de cela a été exilé. Cheikh l'Islam rahimahullah a été exilé et il a été emprisonné. Et la plupart eh bien, de sa vie, il l'a passé en prison. Mais malgré cela, il n'a pas plié. Et ça ne l'a pas fait plier quant à combattre. Le jihad bisseif. Fakhadha al-ma'arik wa qatala bisseif. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a combattu eh bien, avec l'épée. Il a combattu et il a assisté à plusieurs batailles. Wal jihad bil qalam, également il a combattu avec sa plume, c'est-à-dire en écrivant des livres et des ouvrages qu'il a laissés et dont on parle encore aujourd'hui pour eh bien montrer la vérité et montrer la croyance authentique. Wal jihad bil lisan wal hujja, également il a combattu avec sa langue et avec les preuves, en enseignant et en montrant et en expliquant la vérité. Hatta qayyada Allah lahu tullaban hamalu 'ilma. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait assigné eh bien des étudiants qui ont eh bien supporté sa science et qui nous ont transmis sa science qu'Ibn al-Qayyim ou Ibn Kathir ou al-Dhahabi ou غيرهم من الأئمة الكبار. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme Ibn Kathir, صاحب التفسير والذهبي رحمة الله على الجميع et autres, et bien comme grands imams et grands savants reconnus comme tels dans la communauté musulmane. فانتشرت الدعوة وبزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام. Et donc la da'wa s'est propagée, la da'wa de nos pieux prédécesseurs et de cette croyance authentique s'est propagée, et l'aube du renouvellement de la religion s'est levée. والرد عن الشبه وعلى الضلالات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلامذته رحمهم الله تبارك وتعالى. Également, eh bien, est venu le temps, eh bien, où Cheikh al-Islam et ses étudiants, eh bien, ont réfuté et ont rejeté toutes les ambiguïtés des gens de l'égarement. ثم جاءت حقب متوالية ضعف فيها مذهب أهل السنة. Après cela, eh bien, s'est suivi une période longue où, eh bien, Ahl Sunnah, eh bien, se sont affaiblis. Et le chemin et le sentier de Ahl Sunnah s'est affaibli. وكثرت البدع. Et à cette époque-là, eh bien, les innovations se sont multipliées et se sont propagées. وانتشرت الضلالات. Également, l'égarement s'est propagé بعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه. Après l'époque de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah et de ses étudiants et de ses élèves, eh bien, l'égarement et les innovations se sont propagés. جاء عصر الركود وعصر الجمود وعصر التقليد الأعمى. Est venue l'époque de l'immobilité et l'époque, eh bien, du suivi aveugle des gens, qu'ils soient sur la vérité ou non. وبلاد نجد ما كانت تذكر بل مغفول عنها. Et Najd, le pays d'où vient Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, eh bien, c'était une contrée qui n'était pas connue à cette époque-là. C'est une contrée inconnue. تعتبر بادية أو شبه بادية. Elle était considérée comme une campagne. قرى ومزارع وبادية. Donc il y avait dedans, eh bien, certains villages, des petits villages, des où est-ce qu'on cultivait, des endroits où est-ce qu'on cultivait, et de la campagne. Ce n'était pas une contrée qui était connue. ليس فيها مطمع لأحد. Personne, eh bien, n'avait d'ambition quant à, eh bien, conquérir ces contrées-là. وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن الآخر. Et في النجد, qui est une partie de la péninsule arabique, eh bien, à cette époque-là, après l'époque de Cheikh al-Islam et après que soient apparus l'égarement et les innovations, eh bien, dans chaque ville, il y avait un émir qui contrôlait, eh bien, la ville et qui commandait chaque ville et qui était indépendant des autres villes. فأمير عرقة لا يخضع لأمير الدرعية مع ما بينها مع ما بينهما من التقارب. كل واحدة تعتبر مملكة مستقلة. Et donc l'émir de Araqa, eh bien, n'obéissait pas à l'émir de Dir'iya, malgré qu'il y avait, eh bien, une très courte distance entre ces deux villes. Chaque ville était considérée comme un royaume indépendant. وكان علماء الحنابلة في نجد كانوا يهتمون كثيرا بالفقه ويدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخونه ويدرسونه. Et à cette époque-là, les savants qui étudiait eh bien l'école Hanbalite fin Najd, eh bien se préoccupait énormément de la jurisprudence du fiqh. Et ils étudiaient le fiqh et ils faisaient des recherches dans le fiqh et ils écrivaient des ouvrages dans le fiqh et ils enseignaient que eh bien dans la jurisprudence. Amma fil aqida fakanu ala aqidati al-ash'ariyya wa aqidati al-maturidiyya. Mais concernant la croyance, ils étaient eh bien de croyance ash'arite ou maturidite, qui étaient ou qui sont des croyances erronées, qui ne sont pas des croyances eh bien authentiques sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons. وعندهم كذلك تصوف في العبادة وعندهم بدع. Et ils avaient eh bien dans leur adoration, ils étaient proches des soufis et ils avaient énormément d'innovations. وعندهم ما عند البلاد البلاد الأخرى. Ils avaient énormément de choses en commun avec eh bien les autres pays. بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي قراهم. Et encore plus, eh bien, comme ils étaient éloignés, eh bien, l'ignorance était encore plus grande, puisqu'ils étaient dans des campagnes et ils étaient dans des villes isolées. نعم كان في القرى علماء لكنهم علماء فقه فقط. Donc à cette époque-là, il y avait des savants, mais des savants qui ne connaissaient que la jurisprudence. وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحنابلة. Et donc ils allaient à Sham, yani qui est la Syrie, Liban, Palestine, Jordanie actuelle, et ils étudiaient eh bien, le fiqh seulement chez eh bien, ces savants-là. Et ils étudiaient le fiqh Hanbalite, exclusivement. وَيَحْمِلُونَ عَنْهُمُ الْكُتُبُ وَالْفِقْهُ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Et donc ils prenaient que la jurisprudence de l'école Hanbalite. وَهَذَا خَيْرٌ كَثِيرٌ ولكن العقيدة ليس لهم بها اهتمام. Le fait est bien d'étudier la jurisprudence d'une école, en l'occurrence l'école de l'Hanabila, est une bonne chose. ولكن et bien dans la croyance في العقيدة et bien ils étaient insouciants, ils ne se préoccupaient pas d'apprendre la croyance sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والناس كل على ما هو عليه من صوفية وقبورية وشر. والسحرة لهم نشاط والكهان لهم نشاط والقبائل تحكم بالأعراف القبيلية وهكذا. Et donc à cette époque-là, eh bien les gens étaient sur le soufisme, adoraient les tombes, étaient dans les mauvaises choses. Et les magiciens et les devins étaient respectés et avaient une place énorme à cette époque-là. Et les tribus jugeaient, eh bien, selon les coutumes tribales et ne jugeaient pas selon l'islam. وفي هذه الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس. Et donc à cette époque-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître et a assigné à l'islam eh bien Cheikh l'islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une intelligence et un discernement avec laquelle il voyait eh bien la croyance sur laquelle étaient les gens. فكان من صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. De son plus jeune âge, eh bien, il lisait et il faisait des recherches, eh bien, dans les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله. ويقرأ في كتب السلف. Et il lisait, eh bien, les livres des pieux prédécesseurs. Et il faisait ça, il était seul. فسافر إلى بلاد إلى البلاد الأخرى، سافر إلى مكة حاجا وأخذ عن علمائها، وسافر إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى الأحساء وأخذ من علماء عن علمائها وتتلمذ عليهم وتعلم منهم، ثم سافر إلى العراق وقصد البصرة ولقي فيها من العلماء ما لقي وتتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من الكتب. Et donc le cheikh ne s'est pas arrêté seulement et bien dans son pays, il n'est pas resté seulement dans son pays, mais il est parti étudier à la Mecque où il a rencontré des savants. Il est parti également à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a étudié auprès des savants de Médine. Ensuite il est parti eh bien Al-Ahsa, qui est une contrée dans la péninsule arabique, et il a étudié auprès des savants là-bas. Et il est parti également en Irak, il est parti Al-Basra, yani Basora, et il a appris des savants là-bas. Et donc il est resté étudier et il a appris et il a recopié des livres qu'il a retrouvés là-bas. فنكتفي بهذا فنواصل غدا بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.